Si tu sais cueillir les roses de ma vie, si tu sais sourire les soirs de pluie, alors tu seras l'unique, l'unique femme qui fera toute ma vie avec moi, avec moi, avec moi, ma chérie. Avec moi, ma chérie, avec moi, ma chérie, ma chérie.